Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 41. Des personnes dans leur rapport avec les actes notionnels. On fait connaître la nature des actes notionnels. 1. Faut-il attribuer aux personnes des actes notionnels? Le propre du Père, dit saint Augustin, et d'avoir engendré le Fils. La génération est un acte, on doit, en conséquence, mettre dans les personnes divines des actes notionnels. La distinction des personnes divines repose de quelque manière sur l'origine. Or l'origine ne se désigne convenablement que par des actes. Pour marquer l'ordre d'origine dans la Trinité, il a fallu, on le conçoit encore, attribuer aux personnes des actes notionnels. Note. Toute origine se désigne par un acte quelconque, or les actes qui, d'après l'origine, marquent l'ordre des processions, s'appellent notionnels, parce que les notions des personnes sont les rapports mutuels qui les unissent l'une à l'autre. Voir question 33.3. Les actes notionnels et les relations qui constituent les personnes sont identiques, ils ne diffèrent que dans les termes. Fin de la note. 2. Les actes notionnels sont-ils volontaires? Une chose est volontaire de deux manières, d'abord d'une volonté concomitante, je puis dire que je suis homme par ma volonté, parce que je veux être homme. Le Père, dans ce sens, engendre le Fils par sa volonté, de la même manière qu'il veut être Dieu par sa volonté. Une chose, ensuite, est volontaire quand la volonté même en est le principe libre, le Père, dans ce sens, engendre le Fils par nature et non par volonté. Les Ariens, pour établir que le Fils est une pure créature, disait que le Père l'avait engendré par sa volonté. De là ces paroles de saint Hilaire, si quelqu'un dit que le Fils a été fait par la volonté du Père comme une créature, qu'il soit anathème. À l'égard des autres choses, la volonté divine est libre, mais elle ne l'est pas vis-à-vis de la personne qui procède naturellement d'elle. Les actes notionnels ne sont volontaires que d'une volonté concomitante. Note. La volonté veut naturellement certaines choses, nous cherchons le bonheur par une sorte d'impulsion naturelle. Dieu, de même, se veut et s'aime naturellement lui-même, quoi qu'il puisse aimer ou ne pas aimer ce qui n'est pas lui. Le Saint-Esprit procède comme amour. En tant que Dieu s'aime lui-même, il procède naturellement, bien qu'il procède de la volonté. Fin de la note. 3. Les actes notionnels sont-ils produits de quelque chose? Saint Augustin dit, le Père a engendré de sa substance le Fils qui lui est égal. Note. Les critiques attribuent généralement à saint Fulgence le livre d'où sont tirées ces paroles. Fin de la note. Le Fils, comme on le voit, est engendré de la substance du Père, et non pas de rien. Si le Fils procédait du Père comme venant de rien, il ne serait pas véritablement Fils, et cependant le disciple bien-aimé disait, pour que nous soyons en son vrai Fils Jésus-Christ. 1 Jean 5, 20. Ailleurs, le même disciple appelle le Verbe Fils unique, Jean 1, 15, pour marquer qu'il est vraiment Fils par nature. La conséquence qu'il faut tirer de là, c'est que le Fils de Dieu est engendré de l'essence du Père, mais par une génération qu'il ne faut pas comparer à celle d'un fils dans la génération humaine. La substance divine étant indivisible, le Père éternel, en engendrant son Fils, lui transmet toute sa nature, si bien que l'essence divine, communiquée par la génération, subsiste tout entière dans le Fils lui-même. La relation d'origine distingue seules ces deux personnes. 4. Y a-t-il en Dieu une puissance relative aux actes notionnels? Du moment que l'on admet en Dieu des actes notionnels, il y a aussi une puissance qui les produit, car le principe de l'acte est la puissance. Le Père est le principe de la génération. Le Père et le Fils sont le principe de l'aspiration. Il faut donc reconnaître dans le Père la puissance d'engendrer, et, dans le Père et le Fils, la puissance de produire par spiration. 5. La puissance d'engendrer appartient-elle seulement à la relation? Comme c'est dans la nature divine que se trouve la ressemblance du Fils avec le Père, c'est là aussi qu'est le principe de la génération ou la puissance d'engendrer, ce n'est qu'indirectement qu'on peut l'attribuer à la paternité, qui constitue, il est vrai, la personne du Père, mais n'est pas ce par quoi il engendre. Note. La paternité ou la personnalité humaine n'est pas non plus le principe par lequel l'homme engendre, car le principe par lequel se fait la génération se reproduit toujours, quant à la ressemblance, dans l'objet engendré. Ainsi l'homme engendre son semblable en nature parce qu'il engendre par sa nature qui est la nature humaine, mais non son semblable en personnalité, parce qu'il n'engendre pas par sa personnalité. Socrate, par exemple, n'engendre pas Socrate. De même, si la paternité divine était le principe de la génération du Fils, elle se reproduirait dans le Fils, et le Fils lui-même serait père. La génération, dit saint Jean Damascène, est l'œuvre de la nature qui donne la vertu d'engendrer. Fin de la note. 6. Un acte notionnel peut-il s'étendre à plusieurs personnes? S'il pouvait y avoir en Dieu plusieurs personnes engendrées ou spirées, on pourrait soutenir que les actes notionnels s'étendent à plusieurs personnes. Mais il n'en saurait être ainsi, car tout ce qui est possible en Dieu est réel, or ce serait une hérésie que d'y admettre plusieurs fils. Il n'y a, dit le symbole de saint Athanase, qu'un Père, qu'un Fils et qu'un Saint-Esprit. On démontre par plusieurs raisons qu'il n'en peut être autrement. Premièrement, par les relations qui distinguent les personnes. Ces relations étant subsistantes, si nous en admettions plusieurs de la même espèce, il faudrait dire qu'elles sont matériellement distinctes, car les formes d'une même espèce ne se multiplient que par la matière, et en Dieu il n'y a pas de matière, la filiation subsistante dans la nature divine est une, comme la blancheur serait une si la blancheur était subsistante. Deuxièmement, par les processions. Dieu connaît tout et veut tout par un acte unique et simple. Il ne peut donc engendrer qu'un verbe et produire qu'un amour. Troisièmement, par la perfection des personnes divines. Le Fils étant parfait renferme par cela même toute la filiation divine. On en peut dire autant des autres personnes. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.